le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereton, markendanarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. 6. Manière dont l'Église met devant nos yeux les douleurs de la Sainte Vierge. Telle est l'idée générale que nous pouvons nous faire des douleurs de Marie. L'Église les met devant nos yeux comme une partie de l'Évangile, comme l'un des faits de l'Évangile, et comme un objet de dévotion spéciale. Dans son journal de Marie, Marchese rapporte une tradition ancienne qui ferait remonter jusqu'aux temps apostoliques la dévotion aux douleurs de la Sainte Vierge. Quelques années après la mort de Marie, pendant que Saint Jean l'Évangéliste pleurait encore sa perte et qu'il lui tardait de revoir son visage, il plut à notre Seigneur de lui apparaître dans une vision, accompagné de sa mère. Les douleurs de Marie et ses visites fréquentes dans les saints lieux de la Passion étaient naturellement un sujet de pieuse contemplation pour l'évangéliste, qui avait veillé sur les 15 dernières années de la vie de la Sainte Vierge, et, comme une réponse à ses continuelles méditations, il l'entendit demander à Jésus d'accorder quelques faveurs spéciales à ceux qui garderaient dans leur mémoire le souvenir des douleurs qu'elle avait endurées. Notre Seigneur répondit qu'il accorderait 4 grâces particulières à tous ceux qui pratiqueraient cette dévotion. La première serait une contrition parfaite de tous leurs péchés, quelque temps avant leur mort. La seconde, une protection particulière à l'heure de la mort. La troisième consisterait en ce qu'ils auraient les mystères de la Passion gravés profondément dans leur esprit. Enfin, la quatrième serait une efficacité particulière accordée aux prières de Marie en leur faveur. Au septième livre de ses révélations, Sainte Brigitte rapporte qu'elle eut, dans l'église de Sainte Marie Majeure, à Rome, une vision qui lui montra l'immense prix attaché dans le ciel aux douleurs de Marie. Il fut accordé à la bienheureuse Benvenuta, dominicaine, d'éprouver dans son âme la douleur que souffrit la Sainte Vierge durant les 3 jours de l'absence de Jésus. La bienheureuse Véronique de Binesco eut, touchant cette dévotion, plusieurs révélations, dans l'une desquelles, comme le rapportent les Bollandistes, notre Seigneur dit que les larmes versées sur les douleurs de sa mère lui étaient plus agréables que celles qui étaient répandues sur sa propre passion. De même, dans son Histoire des Servites, Giannius raconte que, lorsqu'Innocent IV fut élevé à la chaire apostolique, il éprouva quelques larmes au sujet de l'ordre nouveau des Servites de Marie. Vers cette époque, l'Église avait été troublée par plusieurs sectes remplies d'impostures, comme celle des pauvres de Lyon, des soi-disant hommes apostoliques, des flagellants et des disciples de Guillaume de Saint-Amour, et le pape voulait s'assurer si les Servites, récemment établis près de Florence, n'étaient pas du même genre que celle-là. Il chargea en conséquence Saint-Pierre le Martyr, dominicain, d'examiner cette matière. La Sainte Vierge apparut à ce religieux dans une vision. Il vit une montagne élevée, couverte de fleurs, éclairée par une vive lumière, et au sommet de laquelle la Mère de Dieu était assise sur un trône, tandis que des anges apportaient devant elle des guirlandes de fleurs. Ils lui présentèrent ensuite cette lisse d'une extrême blancheur qu'elle plaça un instant sur son sein, et qu'elle tressa ensuite en forme de diadème et posa sur sa tête. C'est cette lisse, suivant l'explication qu'elle en donna à Pierre, était les 7 fondateurs des Servites, auxquels elle avait elle-même inspiré la pensée d'instituer l'ordre nouveau en honneur des douleurs qu'elle avait souffertes dans la Passion et la mort de Jésus. Un jour que Sainte Catherine de Bologne était à pleurer amèrement sur les douleurs de la Sainte Vierge, elle vit tout à coup près d'elle cet ange qui pleurait aussi, et qui joignait leurs larmes aux siennes. Il serait facile de remplir un volume des visions et des révélations touchant les douleurs de Marie. Le lecteur les trouvera surtout en abondance dans deux livres faciles à se procurer, le Journal de Marie, Diario di Maria, de Marchese, et le Martyr du Cœur de Marie, Martirio del Cuore di Maria, de Siniscalci. Le premier de ces deux écrivains était oratorien, le second était jésuite. Cette dévotion a reçu de l'Église la plus haute sanction, car elle entre dans le missel et dans le bréviaire. Deux fêtes distinctes sont établies en l'honneur de ces douleurs, l'une tombe en septembre, et l'autre le vendredi de la semaine de la Passion. Le rosaire des sept douleurs et plusieurs autres dévotions ont été dotés d'indulgences abondantes. Parmi ces dévotions, on peut mentionner l'hymne du Stabat Mater, une heure passée à une époque quelconque de l'année, en méditation sur les douleurs, un exercice en l'honneur du cœur souffrant de Marie, cet Ave, avec le Sancta Mater, Istu Agas. Un autre exercice pendant les 10 derniers jours du carnaval, et une heure ou une demi-heure de prière le jour du Vendredi Saint, ou les autres vendredis de l'année. Rien ne manque donc à la sanctification de cette dévotion, et l'Église n'a épargné aucun moyen pour y inviter ses enfants. Elle a, toutefois, choisis particulièrement cette des douleurs de Marie pour notre dévotion plus spéciale. Elle les a fait entrer dans l'office divin sous forme d'antienne et elle en a fait les sept magistères du rosaire des douleurs. Ce sont, la prophétie de Saint Siméon, la fuite en Égypte, les trois jours de l'absence, la rencontre de Jésus portant sa croix, le crucifiement, la descente de la croix et la sépulture de Jésus. Ainsi, par une certaine manière de les diviser, trois de ces douleurs appartiennent à l'enfance de notre Seigneur et quatre à sa passion. Ou bien, l'une couvre sa vie tout entière, deux son enfance, et quatre sa passion. Ou bien encore, l'une d'elles met devant nos yeux les 33 années tout entières, deux concernent Jésus enfant, deux, Jésus souffrant, et deux, Jésus mort. Ces sept douleurs sont donc des modèles mystérieux des autres douleurs si nombreuses de Marie, et peut-être trouverons-nous aussi quels sont des types de toutes les douleurs humaines possibles. Les sept chapitres qui suivent auront donc pour objet de considérer ces sept douleurs l'une après l'autre, en employant, dans leur investigation, la même méthode simple et facile. Chaque douleur nous présentera quatre points à considérer. Premièrement, les circonstances du mystère lui-même. Secondement, ses particularités. Troisièmement, les dispositions dans lesquelles la Sainte Vierge se trouvait. Et quatrièmement, les leçons que nous avons à en tirer. Un neuvième chapitre sera ajouté sur la compassion de Marie, afin d'expliquer la relation qui existe entre la compassion et la passion, afin de reconnaître si la compassion eut aucune part dans la rédemption du monde, et de faire comprendre le véritable sens de l'expression extraordinaire de corédentrice. Et d'autres semblables, qu'on trouve dans des auteurs recommandables qui ont écrit sur les grandeurs de Marie.